Mais fiston, qui sert? Qui sert? Qui sert? T'as du travail aujourd'hui? Ouais, m'en parle pas. Moi aussi. J'ai envie de tout balancer. Le réveil sonne pas. J'émerge quand même. Je me vais le, je me vais là, je me fais ça. Après, c'est la même que tous les jours, c'est-à-dire un gros sbire avant de partir. Il est 2h30, c'est bon, les collègues vont pas tarder. Une fois sur place, ça se passe comme toutes les entreprises. Poser ça, discuter, quand le client passe, on s'active. Le truc, c'est être présent, sinon y'a pas de paye. Être polyvalent, se déplacer, répondre aux appels. Gestion des stocks, préparation de commandes, pas de service après-vente, de garantie ni de remboursement. Forcément, je te dirais qu'on a de la qualité pour la comptabilité. On est tous habilités, t'as fond blague dans l'illégalité. Tu sais rien, si tu traites, tu bois rien, on vaut rien, on le sait, dit, galère rien. J'ai le CDI, l'air, gars. Tu sais où j'ai, gars. Posé avec mes gars. C'est toi qu'on visère, gars. Mais fiston, qui sert? Tu nous connais déjà. Je fais partie des gens qui rôdent dans le sang. Dans les halls, gars. J'ai le CDI, l'air, gars. Tu sais où j'ai, gars. Posé avec mes gars. C'est toi qu'on visère, gars. Mais fiston, qui sert? Tu nous connais déjà. Je fais partie des gens qui rôdent dans le sang. Dans les halls, gars. J'ai signé un contrat avec mon 6 gros et ma galère. Je suis un escroc en croco lâché en ville, la E galère. Je crache sur les insignes, manie l'argent facile. Rien de bien qui me fascine. J'attends que la chance me fascine. J'ai pris racine. Car scotché au bitume, je veux brasser. Moi et mon tosma, on est des mauvaises graines comme la résine. En CDI, l'air gars, je me retrouve en bas de l'échelle. Je n'ai pas de clé chienne. Mais ma tout comme mon fric n'a pas d'hygiène. Du 9 à 9-4, tous dans le même sac. Zinc, la même vibe. Ils serrent les polos sous les défis à PES4. Squatteur de hall avec mes Renois et mes Rabs. La galère, on y remédie à base de bédos ou de blues. Le temps passe, mec, si tu brasses. Dans l'illégalité, c'est que t'as de la chatte. Donc prépare tes tampax. C'est dead dans ce trou à rap, pas moyen de céder. J'ai trop de dettes. Je vais rentrer en CDD choix. J'ai le CDI, l'air gars. Tu sais où j'ai, gars. Posé avec mes gars. C'est toi qu'on visère, gars. Mais fiston, qui sert? Tu nous connais déjà. Je fais partie des gens qui rôdent dans le sang. Dans les halls, gars. J'ai le CDI, l'air gars. Tu sais où j'ai, gars. Posé avec mes gars. C'est toi qu'on visère, gars. Mais fiston, qui sert? Tu nous connais déjà. Je fais partie des gens qui rôdent dans le sang. Dans les halls, gars. Moi et ma galère, on est complémentaires. Mec, c'est la dèche. Depuis que l'État me coupe les moteurs. Sur terre. J'ai signé le contrat, je peux pas trahir. J't'assure pour m'en sortir et j'fume un pilon avant de dormir. J'suis guest tant que le blé très rend pour baiser le bis. La trique d'un vrai taureau et l'expérience d'un vétéran. Avoue que t'es raide, hein. Nos produits te donnent le sourire, tu les consommes avec plaisir. Bref, on a souvi tes désirs. Chaque jour, c'est un trésor, j'me fais le, c'est pas merveilleux. Me casse le crâne, putain de réveil, j'ai encore la fonte de la veille. Je pars parce qu'il faut que j'graille. Aïe, aïe, aïe, au sky. Sur le bitume, on scale, on braille, installe et instable. J'pars au spliff à la main, Delta Ma, pour but d'être plus la main qu'hier. Pour mettre des clients clients d'hier. Mais fiston, qui sert? Dans staff, t'as un temps d'essai, y'a des nouveaux, des décès, petit. Les galériens, j'ai. J'ai le CDI, l'air, gars. Tu sais où j'ai, gars. Posé avec mes gars. C'est toi qu'on visère, gars. Mais fiston, qui sert? Tu nous connais déjà. Je fais partie des gens qui rôdent dans le sang. Dans les halls, gars. J'ai le CDI, gars. Tu sais où j'ai, gars. Posé avec mes gars. C'est toi qu'on visère, gars. Mais fiston, qui sert? Tu nous connais déjà. Je fais partie des gens qui rôdent dans le sang. Dans les halls, gars. J'ai le CDI, gars. Tu sais où j'ai, gars. Posé avec mes gars. C'est toi qu'on visère, gars. Mais fiston, qui sert? Tu nous connais déjà. Comme dans les old cars. C'est des hilaires, gars. Tu sais où j'ai, gars. Posé avec mes gars. C'est toi qu'on visère, gars. Qui sait? Comme dans les old cars. Qui sert? Mais fiston, place tes verres. Tu connais. Le fin. Y'a RDLR. C'est comme ça. Des prods, c'est des galériens.